De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, c'est François Grégoire qui vous parle et nous allons maintenant vous parler d'un organe à la fois connu et méconnu, voire même oublié, le clitoris. Alors on en discute avec notre sexologue Julie Brouleau. Bonjour Julie. Bonjour François. Alors méconnu, oublié, parfois mutilé, le clitoris fut aussi très longtemps un grand absent des manuels d'anatomie. Imaginez-vous donc, François, que c'est seulement en 2016 que des élèves français, plus précisément, ont pu manier pour la première fois un modèle imprimé en trois dimensions de l'organe, le seul du corps humain, faut-il préciser, uniquement dévolu au plaisir. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une représentation novatrice anatomique du clitoris, le fameux clitoris 3D développé récemment et de sa grande mission éducative. Il est à noter que cette avancée majeure a fait l'objet de plusieurs articles qui m'ont inspiré pour la chronique aujourd'hui, notamment ceux du magazine Libération et de la Gazette des Femmes. Alors, il est vrai qu'on voit cet organe dans sa globalité seulement depuis quelques années, mais à qui doit-on la représentation anatomique en trois dimensions? Bien, c'est fou d'imaginer qu'on n'avait qu'une représentation parcellaire depuis si longtemps. Donc, c'est en 2016 que la chercheuse française en sociologie des sciences et vulgarisatrice scientifique Odile Philo a créé une représentation à trois dimensions du clitoris. Donc, elle s'est appuyée sur la littérature scientifique disponible, on va y revenir plus tard, et elle a réalisé un premier modèle avec l'aide du Fab Lab Carrefour Numérique de la Cité des Sciences en France. Donc, l'objet est d'abord destiné à apparaître dans une vidéo de la plateforme pédagogique Mathilda, prévue au cours du cours Sciences et Vie de la Terre dans le système scolaire français. Par la suite, Odile Philo a mis à la disposition des enseignants-enseignantes un fichier qui permet la reproduction du modèle par imprimante 3D, donc très accessible. Son intention est bien noble, favoriser une représentation égalitaire des corps, des sexualités, en le rendant accessible tout à fait gratuitement. En 2017, un grand pas pour l'anatomie est franchi, François, puisqu'est édité le premier manuel scolaire présentant un schéma anatomique correct du clitoris. Incroyable. Hein? C'est la maison d'édition Magnard dans le manuel de sciences et vie de la Terre dont on a nommé tout à l'heure, qui propose pour la première fois une représentation complète de l'organe. Mais pour nos auditeurs, quelles sont les particularités de cette représentation anatomique juste du clitoris? Eh bien, le petit objet en trois dimensions proposé par Mme Philo mesure quand même 10 cm et est en forme de V. Donc, l'objet est fait de plastique biodégradable et est rose ou rouge pour votre visuel. Il est à noter qu'il est très lisse toutefois, contrairement à l'organe féminin réel. Pour vous, je vais aller plus loin aujourd'hui dans la description anatomique réelle de cet organe. Merci, Wikipédia. En vous mettant d'abord en contexte. Le clitoris a la même origine embryonnaire que le pénis. Et oui, il faut intégrer cette information, François. Le clitoris présente une structure identique à son homologue masculin. Okay. Il est à noter ici qu'on savait déjà qu'au début du développement embryonnaire, aucune différence est visible entre les régions génitales des embryons mâles et femelles. Donc, les piliers du clitoris font un 10 cm de longueur et sont deux structures symétriques du tissu érectile qui forment ensemble un V, qui décrit très bien la forme de l'objet développé dont il est question aujourd'hui et qui converge vers le corps du clitoris. À chaque point opposé se trouve un corps caverneux du clitoris. Donc, les piliers sont attachés à l'arc pubien et sont adjacents au bulbe vestibulaire. Donc ici, ça se corse, suivez-moi bien. Le pilier projette l'urètre, l'éponge urétale et le vagin et s'étend en arrière vers le pubis, tel un papillon qui s'envole, comme dirait mon gynécologue. Chaque pilier clitoridien se connecte aux branches ischio-pubiennes et il est recouvert d'un muscle bulbo-caverneux. Donc, au cours de l'excitation sexuelle, le pilier est engorgé de sang, de même que tout le tissu érectile du clitoris. Ça vous rappelle quelque chose, François? Finalement, le gland du clitoris est recouvert d'un prépuce. Donc, le corps et le gland, seul élément visible à l'extérieur du clitoris, ont une longueur d'environ 2 cm et un diamètre d'un centimètre. C'est donc cette partie qui faisait office de clitoris dans certains manuels d'anatomie, là. Donc, on n'imaginait pas de si grande ressemblance avec le pénis, n'est-ce pas? C'est un fait, je l'avoue moi-même. Alors, la représentation populaire était donc parcellaire. Les femmes et les hommes pouvaient bien trouver le clitoris mystérieux? Bien, effectivement. Pour la chercheuse, cet outil en trois dimensions répondait donc à un grand besoin, puisque selon le rapport du Haut Conseil à l'égalité en France, l'équivalent de notre Conseil du statut de la femme ici au Québec, sur l'éducation sexuelle paru en juin 2018, un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris et 83% des collégiennes ignorent sa fonction. C'est quand même incroyable. Évidemment, puis on peut facilement imaginer que ces statistiques sont pas bien loin des connaissances des jeunes Québécois et Québécoises. Uh-huh. Pourtant, il est important de le mentionner ici, le clitoris a été décrit dans les traités de l'Antiquité grecque, puis par des anatomistes là, au 16e siècle, avant d'être schématisé par l'Allemand George Ludwig Kolbelt en 1844. C'est l'urologue australienne Ellen O'Connell qui a repris ses travaux en 1998 et c'est donc à partir de ces travaux qu'on attribue la première description anatomique exacte du clitoris à partir duquel Madame Philo a pu travailler. Mm-hmm. Les travaux de Madame Philo ont permis de rendre accessible donc une représentation anatomique concrète et juste et donc favoriser une meilleure connaissance là, de cet organe. Et cette vision du clitoris en trois dimensions a donc toute une mission éducative, Julie? Bien, en effet, ce sont les prémices là, de ce nouvel outil. Les professeurs français espèrent, avec ce support pédagogique novateur, sensibiliser à la question du plaisir féminin, souvent ignoré par les élèves. Toute une avancée pour l'appropriation du corps de la femme, disons-le. Pour Odile Philo, le plaisir des femmes n'a rien de plus mystérieux ni de plus cérébral que le plaisir masculin. C'est pas souvent qu'on entend ça. Alors, ce modèle aura donc des répercussions bien au-delà du milieu scolaire? Bien, certainement. Rendre accessible ces ressemblances a de nombreuses retombées concrètes pour les femmes excisées ou les personnes nées avec des organes génitaux difficiles ou impossibles à définir. Il est rassurant de penser que les répercussions permettront aussi d'affaiblir les représentations inégalitaires de la sexualité, malheureusement encore un lieu de pouvoir masculin. Mmh. Il faut dire que c'était d'ailleurs l'objectif principal comme d'une campagne dédiée à l'organe oublié, lancée en 2011 par l'organisme Oser le féminisme. Un membre de cette organisation affirmait justement dans le magazine français Libération que le clitoris est la clé de voûte d'un changement de mentalité. Il peut aider les femmes à s'émanciper. Inspirant, non? Donc, connaître le rôle et le fonctionnement du clitoris permet l'empowerment des femmes, rien de moins, en permettant la déconstruction de cette perception que le désir et le plaisir des femmes et des hommes sont fondamentalement différents. Encore mieux, selon la désormais célèbre chercheuse Odile Philo, une meilleure connaissance de cette représentation juste par les jeunes jouerait également un rôle dans la prévention du harcèlement et des violences sexuelles. Mais qu'en est-il, Julie, au Québec, le clitoris, est-ce qu'il figure aussi au programme scolaire? Bien, dans le cadre de la mise en œuvre des apprentissages en éducation à la sexualité rendus obligatoires depuis l'automne 2018, l'étude du système reproducteur est abordée au premier et deuxième cycle du secondaire en sciences et technologies. Mais le clitoris ne fait pas partie des concepts prescrits, donc obligatoires. Mmh. Cependant, évidemment, les enseignants et enseignantes ont toute la latitude requise pour en discuter. On les invite donc à télécharger le modèle, tout à fait gratuitement, rappelons-le, pour une impression en trois dimensions qui leur sera bien utile. Grâce à eux, il sera révolu le temps où le clitoris était représenté comme un simple petit poids, sans mention de ses piliers ni de ses corps caverneux. En conclusion, notre époque est témoin d'une sexualisation de l'espace public où l'accès à la pornographie est instantané. Uh-huh. On ne peut que souhaiter que cette représentation anatomique globale et complète joue le rôle qu'on lui souhaite dans la promotion des rapports égalitaires et que son fonctionnement devienne aussi connu que celui de son homologue masculin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Julie. Merci à toi, François. Je pense qu'il va y avoir quelques curieux qui vont vouloir se prévaloir de ce modèle 3D du clitoris. Et on part en musique sur CKRL 89.1 et au retour, le CO2 à la loupe.